Fadjet, c'est l'été en Lorraine. Du 25 juillet au 22 août, on a rendez-vous tous les dimanches pour des concerts gratuits. C'est à 17h et c'est proposé par l'association Facteur Musique en collaboration avec l'autre canal Nancy et la ville de Nancy. Un mot sur Facteur Musique qui porte ce rendez-vous en compagnie de François et Maxime. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Bonjour. Facteur Musique, en quelques mots, c'est quoi ? Alors le Facteur Musique, c'est une fédération des acteurs de la musique actuelle indépendante sur Nancy. Et elle regroupe diverses associations de multi-styles. Et l'objectif du Facteur Musique, c'est de défendre les intérêts et les valeurs de la musique indépendante sur Nancy. Facteur Musique qui propose depuis de nombreuses années maintenant ses rendez-vous, des concerts gratuits au kiosque du Parc Sainte-Marie. L'idée de départ de ces concerts, comment c'était venu ? On n'est que des organisateurs de concerts. Mmh. Et la ville de Nancy a voulu un peu déléguer via l'autre canal cette mission-là. Et vu que l'autre canal était fermé durant l'été, ben, on s'est dit pourquoi pas d'avoir une association qui s'occupe d'organiser ça tout au long de l'année. Et l'intérêt, ben, c'est qu'on est plusieurs dessus. Ça fait une programmation qui est assez riche et assez variée. Eh bien, on va commencer à détailler un peu cette programmation. 5 dates, ça commence le 25 juillet. Le 25 juillet, c'est 2 artistes. On va commencer avec Laura Kane qui vient de sortir un album cette année en plus. Laura Kane, elle va passer le 25 juillet à 18h. Elle vient de sortir son nouvel album, Une fille. Et c'est plus qu'un album, c'est vraiment un manifeste. Elle a voulu affirmer sa personnalité artistique, mais aussi sa vie personnelle, y compris une partie de sa sexualité. Et elle n'a jamais aussi bien chanté et surtout ne s'est jamais aussi bien racontée. Et on voit actuellement le succès qu'elle rencontre. Aussi bien dans les ventes d'albums, dans les téléchargements, etc. Une grosse communication et c'est vraiment une belle tête d'affiche. Elle sera précédée toujours le 25 juillet à 17h par Kader Fahem, qui est un artiste de Longwy. Alors un peu inclassable, il fait du flamenco jazz oriental. Mais il a été reçu et il est reconnu par toutes les grandes scènes françaises et internationales. Il a fait notamment le festival de jazz de Montreux, le festival de la Médina. On le voit régulièrement au Sunset à Paris, etc., etc. Donc pour le 25 juillet, 17h Kader Fahem, 18h Laura Kane. Voilà, une belle programmation pour ouvrir cet été. On continue avec le dimanche 1er août avec de la musique festive. Exactement, ça sera avec Flying Orchestra qui a créé un univers autour du rock balkan. C'est vraiment super festif et c'est vraiment très drôle. C'est 6 musiciens qui vont nous faire voyager pendant une heure. Et titre d'anecdote, c'est sur ces musiques-là que j'avais rencontré ma copine. Et franchement, il faut y aller, quoi, du coup. Merci pour le conseil. Le 8 août, du rock, cette fois-ci. Alors, le 8 août, 2 groupes où on va taper un peu plus fort, un peu plus rock, indépendant, noisy, garage et autres. On va commencer à 17h par Baleine. Baleine, c'est un groupe assez iconoclaste. C'est 2 jeunes qui touchent un peu tout, la guitare, la batterie, ils chantent. C'est primaire, ils se lâchent et c'est quelque chose qui nous emmène vraiment, ça va droit au but. Ils frappent fort et bien, c'est comme ça qu'ils se définissent. Et ils savent faire du bruit. Leur influence musicale, Redbone, Black Keys et Royal Blood, pour ceux qui connaissent. Et ils viennent de sortir leur premier EP qui s'appelle « When Did It All Go Wrong ?» Donc qui est très d'actualité, à partir de quand tout a mal commencé. Sera suivi à 18h de Sick But Not Dead, alors toujours du son très pur et très rock, donc Sick But Not Dead, malade mais pas mort. Ça résume parfaitement ce que fait ce quatuor, de la sueur, des poils, des voltes et du bruit. What the fuck, les Sick sont bel et bien malades et ils comptent bien vous contaminer. Voilà pour une 3e date, là aussi une belle diversité musicale proposée, avec là aussi toujours des groupes locaux. On continue avec le 15 août, là aussi un groupe bien connu sur la région, c'est Hoboken Division. Complètement, et juste avant Hoboken Division, il y a Oscar Lézard qui a déjà, oui. C'est du hip-hop alternatif, qui a déjà joué en première partie de gros rappeurs français assez connus. Oui. C'est un hip-hop ultra intimiste. J'aime bien le classer comme ça parce qu'on a l'impression qu'il parle à juste une personne et nous-mêmes sur scène. C'est très poétique et c'est vraiment, vraiment pas mal. Et il a sorti un EP aussi il n'y a pas si longtemps que ça. Et après, ça sera directement suivi par Hoboken Division qui est un groupe assez mythique. Qui, j'ai l'impression que depuis que je suis venu à Nancy, ils sont toujours au top niveau, ils sont restés au top. Ouais. Et c'est ultra connu et ça fait vraiment plaisir de les voir sur scène au Parc Sainte-Marie. C'est un concert à l'être croisé entre des rythmes industriels et des mélodies creux qui ont grandi avec un peu de soleil. Voilà pour cette programmation du 15 août et pour finir l'été, là aussi avec de la musique festive et du folk celtique avec The Celtic Trumps. Alors, The Celtic Trumps, c'est un nouveau groupe qui fait quand même déjà beaucoup parler de lui. C'est 9 musiciens et ils sont nés d'une passion commune qui est la culture celtique. Et ils sont en train de devenir un des groupes celtiques les plus réputés, comme quoi on peut être lorrain et aimer la Bretagne. Ils vont nous entraîner pour cette dernière programmation dans une musique festive, dynamique, et on va un peu oublier tous nos soucis du quotidien. Voilà pour cette programmation de l'été. Pour la réaliser, cette programmation, avec toutes les difficultés qu'il y a pu y avoir ces derniers temps, ça a été compliqué de mettre en place ça. Alors c'est vrai que l'année dernière, c'était... pas du tout pareil, c'était super compliqué parce qu'il n'y avait aucune visibilité et ça s'est bien tenu et on avait entre 500 et 800 personnes par jour quand même. Ouais. Et cette année, c'est beaucoup plus simple parce que déjà, il y a l'expérience en plus et on sait que voilà, vu les tendances, que ça va soulager en termes de mesures sanitaires, etc. Quoi. C'est tous les dimanches à partir du 25 juillet, c'est à 17h. Comment on peut retrouver la programmation, suivre éventuellement l'actu de Facteur Musique? Toute l'actu de Facteur Musique, ben, elle est sur Facebook et l'Instagram de Le Facteur Musique. Et sinon, il y a aussi le site internet lefacteurmusique.com. On peut retrouver la com et plus d'infos sur la ville de Nancy. Pour aller plus loin, pour aller vers les projets, Le Facteur Musique en septembre, octobre, novembre, est-ce qu'il y a des choses qui se mettent en place? Là, on est en situation post-Covid. Du coup, on a décidé de restructurer toute l'association Facteur Musique dans ses statuts, dans son fonctionnement. Et l'objectif, c'est de faire rentrer énormément de nouvelles assos, beaucoup de jeunes qui montent leur collectif et qui font leur place aussi au sein du Facteur Musique. Et après, l'objectif, ce sera aussi de mieux défendre les valeurs et aussi de monter des groupes de travail sur des thématiques comme l'éco-responsabilité ou la communication pour travailler nous tous en réseau. Merci à François et Maxime du Facteur Musique. Retrouvez cet entretien ainsi que le programme des concerts d'été du Parc Sainte-Marie sur notre site www.fadjet.net.